vous savez compter. On veut baisser le monde, mais faudrait d'abord baiser tes filles. Tout ce que je fais dans cette vie, pour moi ça reste un défi. Crois-moi qu'on n'est pas venu au monde pour se défiler par ce genre de pute qui se fait belle pour un défilé. On veut notre part de réussite, moi et mes compères. C'est pour du long terme, mais surtout faut pas qu'on perd. Je suis vulgaire, mais dès le plus jeune âge, les premiers mots qu'on retient, c'est pas je t'aime et nique ton père. Ça me fait sourire, mais je garde l'œil dans le viseur. C'est pour les membres pleins de rage, outrage au proviseur. Je défends l'under car c'est mon seul parrainage. Finir le cœur pur et partir en pèlerinage. Mais le chétan veut me prendre à coups de hachoir. J'rappe jusqu'à m'en déchirer la mâchoire. Hey, nos voix c'est des coups de carabine. J'rappe, j'y mets tout mon cœur, voilà pourquoi nos cœurs s'abîment. Rien de sublime, tant pis j'en ai parsemé. Trop de rage, c'est la mauvaise graine qu'on finit par semer. Et au final j'crois que c'est normal que ces Sarko et ces enfants de flics qu'on finit par semer. Moi j'écoute plus tout ce que ce bâtard dit, mais j'aime en parler quand j'suis rapté au Bacardi. Trop de rancune, et j'te jure sur bébé, le Beretta est chargé, c'est maintenant qu'il faut tout péter. Déchiré entre bien et mal, on raconte pas d'histoire. Regarde man, vois que leurs actes sont contradictoires. Le monde est pris de vitesse, on demande des prix de richesse. C'est là que les gens se détestent, chacun veut sa victoire. On vient le retranscrire, boire de l'eau qu'on transpire. Sans se tirer dans les jambes, s'instruire et construire. À la fois j'conspire et à la fois j'm'en bats la race. N'entends pas la race, prévoyant le futur à la race. Laisse-moi écrire ce que j'arrive pas à dire. J'ai l'encre violente, pensée insolente. L'enfer incante dans leur paradis. Mon cher, j'en mets du nucléaire dans ma carabine. Vu que ma classe est classe et délinquante, frère, y'a pas à dire. Ça mène à s'unir, sourire ceux qui apprennent à subir. Finissent par résumer le poids de leurs âmes en quelques soupirs. Je veux pas être comme ça, le mic mon from ça. Donne ça, j'bosse bien accroché à ma home ça. Ceux qui maintiennent les parallèles sont ceux qui nous demandent de faire des efforts. Va leur dire qu'ils aillent se faire baiser fort. Pour la fierté des pauvres, on rappe le mortier. Dis-leur que j'suis pas hip hop, moi j'suis juste un mec de quartier. Sachant que la mort m'enverra pas de récipicé. J'mets pas trop l'œil dehors, j'me contente de laisser pisser. Conscient mais pas encore sage, un flow qui sonne ça. Donne ça, j'bosse pour représenter ma zone sale. Parce qu'on est comme ça, peut-être qu'on a trop de nif, trop de fils. Gros, j'vis dans le risque, j'ai pas trop de mi. Regarde mon faciès, enfant du peuple Javier. Réveille les battements de cœur, c'est pas encore l'heure de la sieste. Assez, mets-toi dans le crâne qu'on t'a capté. Tu flippes quand on est sobre, tu préférerais qu'on soit capté. On parle pour que leurs hommes sachent. Et ouais, c'est comme ça que j'donne ça. J'bosse pour représenter ma zone sale. Tu déchiré entre bien et mal, on raconte pas d'histoire. Regarde, man, vois que leurs actes sont contradictoires. Le monde est pris de vitesse, on demande des prix de richesse. C'est là que les gens se détestent, chacun veut sa victoire. On vient le retranscrire, boire de l'eau qu'on transpire. Sans se tirer dans les jambes, s'instruire et construire. À la fois j'conspire et à la fois j'm'en bats la race. N'entends pas la rage, prévoyant le futur à l'arrache. Y'a trop de râle soir, y'a trop de râle soir. La vie c'est aussi tranchant qu'une lame de rasoir. J'rappe par gloire, on finira par quoi. Qu'on est rentré dans ce biz comme du shit dans un parloir. J'ai l'âme et le sang musulman. Même si on est dans le péché, que pour manger faut que le bambou slim à coup de lame. À l'école on prenait à coup de blâme. Frère, ce qui me dégoûte c'est quand j'écoute l'âme. Déchiré entre bien et mal, on raconte pas d'histoire. Regarde man, vois que leurs actes sont contradictoires. Le monde est pris de vitesse, on demande des prix de richesse. C'est là que les gens se détestent, chacun veut sa victoire. On vient le retranscrire, boire de l'eau qu'on transpire. Sans se tirer dans les jambes, s'instruire et construire. À la fois j'conspire et à la fois j'm'en bats la race. N'entends pas la rage, prévoyant le futur à l'arrache.